Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec France Culture. Avant les premières informations du jour, avant le flot des nouvelles, analyses et autres décryptages de l'actualité, votre réveil culturel, un autre jour est possible, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, le magazine où l'on prend le temps d'explorer l'univers d'un chercheur et l'imaginaire d'un créateur. Nous sommes le lundi 19 octobre et le grand événement culture de cette semaine est attendu pour ce jeudi, la sortie d'Astérix, à nouveau Astérix. Astérix est le papyrus de César et à cet effet, cette semaine, notre tête chercheuse et l'universitaire Nicolas Rouvière qui viendra nous parler d'Astérix dans le chaudron de l'identité nationale. Et en deuxième partie, je reçois Frédéric Pagès pour son ouvrage édité chez Bûcher et Chastel, Botule au bordel. Dans le chaudron de l'identité nationale par l'universitaire Nicolas Rouvière. Aujourd'hui, première partie, les ingrédients de la potion magique. Bonjour Nicolas Rouvière. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Grenoble, auteur d'un ouvrage très remarqué, Astérix ou les lumières de la civilisation, paru au PUF en 2006 et qui a d'ailleurs reçu le prix Le Monde de la Recherche. Et ensuite, vous avez enchaîné avec Astérix ou la parodie des identités chez Flammarion et le complexe d'Obélix au PUF l'année dernière. Alors, vous avez peut-être reconnu la Marseillaise jouée par Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. C'est un peu comme l'histoire de la France de la Gaule, du moins, racontée par Uderzo et Goscinny, parce que bien sûr, on va commencer par parler des origines des auteurs. Astérix, le Gaulois, super-héros de bien de chez nous, dont la réputation dépasse les frontières de son village, est le fils de deux hommes, Alberto Uderzo, fils d'immigrés italiens, grandi dans la banlieue parisienne dans les années 30 dans un climat italophobe, et René Goscinny, fils d'une famille juive d'origine russe, ayant vécu en Argentine avant, dans les années 20 avant de revenir en Europe après la guerre. Alors, Nicolas Rouvière, vous rapportez dans un de vos ouvrages une anecdote selon laquelle René Goscinny a répondu à un journaliste qui se demandait qui était qui dans cette histoire d'Astérix, et ben lui, il répond « Moi, je suis l'autre ». Oui, alors un bon mot de René Goscinny, comme il en avait le secret, mais en même temps qui dit quelque chose de très profond, à la fois l'incroyable connivence entre ces deux créateurs et ces deux amis, et en même temps une éthique dans leur création, puisque moi je suis l'autre, intégrer l'altérité, la part de l'autre, ça n'est pas un vain mot pour ces deux enfants de l'immigration qui ont grandi dans un contexte difficile, vous l'avez rappelé, mais qui aussi essayent de se construire leur identité française à travers le rire, en revisitant les mythologies nationales, à savoir l'imagerie scolaire de nos ancêtres les Gaulois, et qui vont aussi de façon anachronique, projeter dans cet univers toutes les tribulations sociales de la France des années 60-70. Est-ce qu'à l'époque, Nicolas Rouvière, il y a un débat autour de l'identité nationale? Quand je dis à l'époque, c'est-à-dire à l'époque où Goscinny et Uderzo vont créer Astérix. Ah oui, il y a un double contexte. 1959, un an après le retour du général de Gaulle au pouvoir, en pleine vague de décolonisation, avec la question algérienne donc qui avive les tensions dans la société française. Et puis Astérix est à la charnière entre deux pans monumentaux de notre histoire, à la fois les années de guerre, les années de l'occupation, avec justement la question de la collaboration qui reste tabou encore à cette époque, mais sur laquelle les auteurs vont progressivement faire retour à travers les albums. Et puis une nouvelle ère qui est une nouvelle ère de l'individualité, les Swinging Sixties, les Trente Glorieuses, les années 60, avec voilà une mutation considérable de la société française. Et Astérix se trouve à la charnière des deux et nous parle donc de ces deux pans historiques de l'histoire de France. Alors parlons du premier pan historique, c'est-à-dire la guerre et le régime de Vichy surtout. Oui, alors il y a une thématique résistentialiste très forte dans Astérix, hein. Dès la carte de la Gaule qu'on voit en page 3 de chaque album et qui met en scène une aigle romaine plantée en plein cœur du Massif central, aigle romaine qui pointe outre-Rhin vers l'Allemagne, dont l'ombre portée se dirige outre-Rhin, tout cela ravive des souvenirs. Et d'ailleurs, on pourrait se demander en 1961, date du premier album, si ce Massif central n'est pas aussi le lieu d'un effondrement national, hein, puisque c'est aussi le lieu emblématique de la capitale de la collaboration. Donc on va revisiter l'histoire à l'envers, à rebours, dans une logique qui est attendue par le public, puisque les fictions autour de la résistance font recette à l'époque. Au cinéma en particulier, 1966, c'est la grande vadrouille. Auparavant, il y avait eu Un taxi pour Tobrouk, il y avait eu le film de René Clément, Paris brûle-t-il, etc. Donc il y a plutôt une exaltation de la résistance. Et on a ça en tête et on attend de revisiter ce passé à la gloire de ces héros de papier qui vont en quelque sorte racheter voilà ces moments difficiles. Revisiter cette histoire, d'autant plus, et ça vous le dites aussi Nicolas Rouvière, d'autant plus que pendant Vichy, il y avait une autre histoire de la Gaule qui était racontée. Oui, il y a une récupération du mythe gaulois qui ne date pas de Vichy d'ailleurs, hein, une récupération déjà nationaliste au tournant de 1900, alors qu'au départ c'était un mythe populaire et républicain. Au début de la Troisième République, il y a une récupération nationaliste et Pétain fait prêter serment aux légionnaires devant la statue de Vercingétorix sur le plateau de Gergovie et lui-même s'assimile à Vercingétorix comme l'unificateur de la nation. Donc pouvoir récupérer ce mythe gaulois, cette imagerie scolaire, les auteurs n'avaient pas conscience au départ de toute la charge politique et idéologique que pouvait revêtir cette histoire, mais ils vont très vite s'apercevoir aux lectures critiques qui vont être faites, qu'ils vont devoir essayer de brouiller les lectures politiques univoques et essayer de préserver l'universalité de leur bande dessinée. Le succès d'Astérix ne se fait pas attendre. Oui, on peut même parler de phénomène, un phénomène incroyable. Dès Astérix et dès le Tour de Gaulle, on s'approche du million d'exemplaires. Astérix et les Normands également voient s'envoler les chiffres. Il y a un satellite qui est mis sur orbite du nom d'Astérix. Le général de Gaulle affuble ses ministres de nom en X. Donc voilà, il y a vraiment une vague populaire autour de cette bande dessinée qui arrive à un moment, on va dire, propice pour, en quelque sorte, changer la mythologie nationale. Ça n'est plus la France en son empire. Désormais, avec Astérix, c'est la France non alignée. La France qui résiste. La France qui dérange. La France qui refuse l'alignement sur les blocs. Donc, on refuse l'intégration à l'empire. Le général de Gaulle. Donc, et voilà, l'assimilation a été évidemment immédiate de la part des critiques. Mais ça n'est pas aussi évident que ça. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. En réalité, la lecture de la bande dessinée se prête à bien des interprétations. Alors, quand vous plantez ce décor historique, Nicolas Rouvière, on comprend tout de suite le succès en France d'Astérix. Mais il se trouve que Astérix a été traduit à travers le monde entier, dans près de 107 langues, pour un total de 33 millions d'albums vendus. Alors, pourquoi ce succès à l'international? Comment, en luttant contre l'envahisseur, Astérix a-t-il envahi le monde? Alors, on pourrait d'abord s'intéresser à l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est le pays européen qui a vraiment érigé Astérix comme une de ses icônes dans l'univers de la BD. Et c'est pas le moindre des paradoxes. Oui, et en même temps, c'est la RFA C'est-à-dire que on est face à un empire qui est le bloc de l'Est. Et là aussi, il y a un effet d'identification, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'idée de représenter une petite communauté face à un empire englobant, ça va séduire en réalité beaucoup de pays à travers le monde. Et c'est comme si finalement on affirmait une identité en projetant, en s'identifiant à cette petite communauté. Si on ajoute à cela que le style d'Uderzo dans la ligne Disney, on va dire, est déjà très représenté en Allemagne avec toute la diffusion des Mickey, donc il correspond déjà à un style graphique qui est bien implanté. Si on ajoute à cela que on est dans une vague de réconciliation franco-allemande, l'Europe de Gaulle Adenauer. Voilà, il y a tout un contexte favorable avec en plus une proximité iconographique hein, entre Gaulois, Germains, les Brels, les moustaches blondes. Bon, voilà, il y a aussi une imagerie scolaire finalement assez proche. Eh bien, le cadre est posé pour que tout cela prenne. Et il y a aussi une diffusion dans les pays d'Europe du Nord via les éditions allemandes et APA qui vont s'exporter. Et par ce biais-là, la Scandinavie, les pays germanophones, il y a une base qui va permettre d'avoir une extension européenne. Nicolas Rouvière, merci. On se retrouve demain pour la suite de notre série Astérix dans le chaudron de l'identité nationale. Et demain, on parlera du destin de ce débat lancé avec Astérix autour de l'identité nationale. Et on écoute Maxime Le Forestier. Je m'en fous de la France, on m'a menti. On a profité de mon enfance pour me faire croire à une patrie. Je demande à voir la liberté. La liberté qui était marquée sur le portail de mon école. Liberté de chanter, mais attention, sortie de l'atelier. Liberté de voir les conneries, d'éviter dans France voir. Liberté de penser la même chose que la majorité. Je m'en fous de la France, on m'a menti. On a profité de mon enfance pour me faire croire à une patrie. Je demande à voir l'égalité, l'égalité qui était gravée sur le fronton de la mairie. Égo ta femme et toi, et pas la paye de fin de mois. Égo toi et ton fils, quand il aura fait son service. Égo les hommes et toi, mais s'ils sont plus grands, t'as pas le choix. Je m'en fous de la France, on m'a menti. On a profité de mon enfance pour me faire croire à une patrie. Je voudrais voir la fraternité racontée dans le linteau de cette église. Fraternelle dans les mœurs, mais en tenant compte de la couleur. Fraternel avec celui qu'a pu apprendre à dire merci. Fraternel, on est tous frères, mais à la guerre comme à la guerre. Un autre jour est possible. Je m'en fous de la France, on m'a menti. Par Toufik Hakem. On a profité de mon enfance pour me faire croire. Tous les matins sur France Culture. Conneries. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Frédéric Pagès. Bonjour. Est-ce que vous êtes un lecteur d'Astérix? Je l'ai été, oui. Et alors, pourquoi vous conjuguez Astérix au passé? Mais pourquoi cette question? Mais parce qu'il y a un nouvel album d'Astérix qui sort cette semaine. Ah, j'ignorais. Oh bah, généralement quand on est journaliste au Canard Enchaîné, on est au courant de tout. On devrait. En tout cas, merci d'être venu ce matin pour nous parler de votre dernier ouvrage, édité chez Buchet-Chastel, où vous revenez sur Boutulle. C'est vraiment le roman que je vous recommande à vous qui avez déjà visité l'exposition autour de la prostitution au Musée d'Orsay. Vous y êtes allé d'ailleurs? Non, j'y vais jeudi prochain. Bon, bah, très bien. Ou si vous êtes comme Frédéric Pagès, décidé à aller faire un tour parce que c'est un théâtre dramatique pour notre notre héros national, Jean-Baptiste Botulle, qui bien entendu existe. La preuve, Bernard-Henri Lévy en parle et l'a cité en 2010. Oui, on se souvient de cette affaire, effectivement. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit, d'ailleurs. Oui, il a cité Botulle parmi Heidegger, Aristote, voilà. Et donc, tout d'un coup, Botulle s'est trouvé à la lumière, comme ça, mondialement projeté. Lui qui n'aimait pas ça. Lui qui est toujours resté dans l'ombre, effectivement. Voilà, donc nous, les amis de Jean-Baptiste Botulle, qui étions les premiers surpris de cette affaire, on a continué depuis, tranquillement, dans notre coin, à chercher quelle était la vie et l'œuvre de ce philosophe de tradition orale, qui n'a pas laissé, en principe, de traces écrites. Et cet ouvrage, Botulle au bordel, c'est une affaire qui remonte à il y a très longtemps. D'ailleurs, Botulle lui-même est né en 1896, il est mort en 1947, mais il va lui arriver quelque chose de tout à fait terrible, je dirais une mésentente entre sa philosophie, sa manière de voir les choses, sa manière d'enseigner la philosophie et la France de l'époque, puisqu'il va être accusé d'avoir perverti ses élèves de terminale en les emmenant au bordel. Exactement, ça se passe en 1928. J'ai retrouvé cette histoire dans des petites boîtes métalliques dans les archives du fonds Botulle, boîte cette à chocolat, boîte. Voilà, boîte à bonbons, boîte à couture, boîte à roudoudou, donc des archives extrêmement importantes qui n'avaient pas été explorées. Et elle parle de cette affaire de Carcassonne, puisque ça se passe à Carcassonne en 1928, où Botulle est curieusement professeur de philosophie, on ne l'attendait pas dans ce rôle et dans ce costume. D'ailleurs, il n'a rien demandé. C'était un malentendu. Il s'est retrouvé propulsé dans une classe de lycée devant des garçons, puisqu'à l'époque, évidemment, les classes de lycée n'étaient pas mixtes. Et ça a duré quelques semaines. Hein. C'était un remplacement, en fait. Et en fait, c'était à la fin de l'année, il a eu cette idée assez bizarre d'emmener ses garçons, ses élèves, dans ce qu'on appelait une maison de tolérance, en langage de Châtier, et plus simplement un bordel qui s'appelle Mon Caprice. Voilà, Mon Caprice. Et d'ailleurs, la maison existe toujours à Carcassonne, j'y suis retourné, un rue de la Digue, j'invite les auditeurs curieux à s'y rendre. Évidemment, ce n'est plus un bordel, ça a l'air habité très bourgeoisement. Mais le bâtiment existe toujours, et dans les archives de la ville de Carcassonne, c'était un des nombreux bordels de la ville de Carcassonne, ville de garnison, et donc ville de bordel. Et pourquoi en ce 1er mai, Botulle, le professeur, emmène ses élèves dans cet établissement? Voilà, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, parce que c'est très obscur cette histoire, on voit pas très bien les motivations de Botulle. J'ai essayé de les connaître. En fait, quand il se fait sermonner par son inspecteur, et puis d'ailleurs viré le lendemain, exactement, voilà, le lendemain, de ce qui s'appelait à l'époque l'instruction publique, pas encore l'éducation nationale, il donne des motivations extrêmement nobles. Il voulait en fait organiser un banquet sur le modèle du banquet de Platon, donc une joute oratoire en quelque sorte, et il pensait que ce cadre-là, en fait, était le meilleur, le plus platonicien, n'est-ce pas? Et donc, en principe, c'est pas une virée comme ça de mâle en goguette, grands et petits. Il ne pensait pas à mâle, on peut le dire. Hein. Non, il ne pensait pas. Enfin, c'est ce qu'il prétend, lui. Après, on peut faire des interprétations plus ou moins bienveillantes. Enfin, lui, il avait l'impression de faire une sortie pédagogique, comme on dit aujourd'hui. Voilà. C'était l'époque où les jeunes étudiants, les jeunes garçons en terminale disaient « bon pour le service, bon pour les femmes ». Exactement, cette phrase-là, « bon pour le service, bon pour les femmes », a été prononcée bien après cette histoire. Moi, je l'ai entendue dans mes jeunes années, quand les jeunes garçons passaient ce qu'on appelait le conseil de révision, d'ailleurs il en est question dans le livre, c'était l'épreuve qui vous déclarait apte au service militaire. Voilà. Et quand on était apte au service militaire, on était en quelque sorte un homme, un vrai, voilà, bon pour le service, bon pour les filles. C'était une autre époque. Bon, on peut le dire maintenant, Frédéric. Frédéric Pagès. Quoi? On peut dire que Jean-Baptiste Boutul n'a jamais existé. Que c'est un personnage de fiction, que certains sont tombés dans le piège et que ça nous a beaucoup fait rire et que vous continuez à nous faire rire avec ce personnage. Mais alors, ce personnage, parce que Boutul au bordel, même si on prend du bon temps et qu'on rigole et qu'on sourit, mais on apprend des choses parce que vous aimez bien mélanger la fiction avec le réel ou avec le vraisemblable, disons. Oui, parce que je me suis aperçu qu'en fait, vous dites que Boutul n'existait pas. Bon, je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. En fait, on en parle. Enfin, l'existence, c'est toute une question philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire exister ou pas? Et plus on parle de quelqu'un, plus il existe. Bon, alors donc là, nous sommes en train d'en parler. Nous faisons finalement un peu exister Boutul, là. Et c'est tant mieux. Moi, j'ai l'impression que le fond de cette affaire, en fait, c'était une affaire sérieuse, Boutul au bordel. Et que la question qui était posée, c'était l'éducation des garçons. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire que fabriquer des garçons, n'est-ce pas? Et à un moment donné, dans le livre apparaît cette phrase qui m'a troublé, on ne naît pas homme, on le devient, n'est-ce pas? Sur le modèle de la célèbre phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, mais alors il faudrait l'appliquer peut-être aussi symétriquement au sexe masculin. Donc ça ne va pas de soi, et qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer un garçon en homme, un petit mâle en grand mâle, en quelque sorte. C'est une question assez bizarre, peut-être pour nous, parce que nous ne réfléchissons plus dans cette optique-là. Nous pensons que, en fait, l'éducation est quelque chose qui se fait, non pas naturellement, parce qu'il faut aller à l'école, etc., mais en tout cas graduellement. Et peut-être que c'est ça que cherche Boutul, c'est à provoquer un choc pour ces jeunes gens, en les emmenant dans ce cadre un peu scabreux. Très bien, vous avez très bien résumé votre livre. Ah bon, vous pensez que c'est ça que ben oui, Frédéric Pagès, je peux encore le résumer à ma manière. Pour parler d'un débat crucial et très contemporain, à savoir le genre, vous avez pris beaucoup de distance. La distance avec le temps, la distance aussi avec les personnages, avec une manière de mélanger effectivement le très drôle avec le très très profond. Et on rencontre des personnages, et ces personnages que Boutul va rencontrer, certains vont même être ses maîtresses, comme Simone de Beauvoir, puisque vous avez cité Simone de Beauvoir, tous ces personnages avaient déjà une réflexion sur le genre, effectivement. Exactement. Il rencontre Monseigneur Danielou, n'est-ce pas? Ça peut sembler surprenant, mais enfin, à l'époque, c'est un jeune jésuite plein d'avenir. Il est ami avec Simone Veil, la philosophe, qui va aussi faire une descente, si j'ose dire, à Carcassonne, au bordel, parce que ça l'intéresse beaucoup, de par sa philosophie même. C'est-à-dire, on ne monte au ciel qu'en descendant à l'enfer préalablement. Et voilà. Bon, il ne va pas se faire que des amis et des amantes. Il va se brouiller avec Jean-Paul Sartre, avec Joséphine Baker, avec Simone de Beauvoir après, avec André Gide, en fait, avec Marguerite Duras. Bien sûr. Et en fait, il a connu Boutul, on s'en aperçoit peu à peu, tout ce qui comptait à l'époque, en fait, de penseurs, d'artistes et d'écrivains. Et alors, évidemment, la question qui nous est souvent posée, à moi et à mes amis de Jean-Baptiste Boutul, c'est mais comment se fait-il qu'on n'a pas, par exemple, de photos parce que s'il a connu tout ce beau monde, et la réponse que nous donnons... Livres et d'écrits. Exactement. Boutul, c'est celui qui n'est plus sur la photo. En fait, il a été gommé, effacé et retouché. Voilà. Il était là, mais il n'est plus sur la photo. Et il reste une présence, une sorte de trace que j'espère avoir dessinée dans ce modeste livre. Alors, il représente qui, Boutul, pour vous, Jean-Baptiste Boutul? Alors, il représente qui? C'est un personnage un peu mystérieux, solitaire, qui parlait par phrases plutôt courtes, qui ne voulait surtout pas écrire malgré les sollicitations des meilleurs éditeurs, qui pensait que l'écrit trahit la pensée, que si on a des lecteurs, on a des traîtres, que si on a des admirateurs, on est fichu. Et donc, il a vécu dans cette espèce de silence, quasiment. Voilà, c'est un personnage mystérieux, ce qui fait son attrait aussi, mais il a peu parlé, mais c'est ces phrases, ce que nous appelons entre nous souvent des botulèmes, n'est-ce pas? Ces aphorismes, ces sentences me paraissent toujours parlantes. Par exemple, pour en revenir à notre maison de tolérance de Carcassonne, mon caprice. Voilà, mon caprice. Il dit à un moment donné, si l'école ne va pas au bordel, ce sera le bordel à l'école. N'est-ce pas? Et ce qui ouvre des abîmes de réflexion, vous serez d'accord avec moi. C'est là-dessus que... Non, mais de quoi Boutul est-il le nom? Est-ce que c'est votre frère, votre philosophe? Comment c'est... vous en servez, Frédéric Pagès? Non, c'est... De votre créature, allez, on peut le dire. Non, c'est... Je pense que c'est pas mon frère, c'est pas mon père, c'est pas mon double. C'est une espèce de, c'est un trou noir comme on dit en astrophysique. Voilà. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à déceler tout de suite et qui en principe absorbe toute l'énergie, mais qui dans le cas de Botul en renvoie énormément. Donc c'est assez paradoxal. C'est-à-dire vous êtes devant un trou qui en fait au lieu de vous absorber vous stimule, n'est-ce pas? Et ça c'est un peu le miracle de Botul. Enfin ce serait compliqué d'expliquer dans le détail, mais quand il y a une trace de Botul comme ça évanescente, il y a de la pensée qui brille de façon extrêmement subreptice, quoi. Il faut se saisir tout de suite de ça. Voilà, moi ça me permet de dire certaines choses peut-être un peu délicate, quoi. Ouais, vous allez finir chez Adèle. Mon ami Adèle a parlé de philosophie et de Botul, cher Frédéric Pagès. Je sais pas où je vais finir, à vrai dire. Dear dawn, the dawn, what a da-dee-dee-dawn, the dawn, what a da-dee-dee-dawn. Botul au bordel de Frédéric Pagès est édité chez Buchet-Chastel. Et pour avoir l'humeur en ce lundi 19 octobre de Frédéric Pagès, le questionnaire avec les trois questions qu'il va choisir. Première question. Quel est le film de votre vie? Très très bonne question. Alors, je vais répondre en citant, j'allais dire, un petit film. Ça fait pas partie des classiques. C'est un film que j'ai adoré quand j'avais 19 ans, qui s'appelle La fiancée du pirate de Nelly Kaplan. Et j'ai adoré avec Bernadette Lafont, dans sa fleur et sa gloire. Et j'ai adoré ce film, j'allais dire qu'il n'a l'air de rien, qui est d'une légèreté totale et qui dit beaucoup de choses. Voilà. Deuxième question. Quelle est votre définition du bonheur? Oh là là, vous avez des questions comme ça massives, hein. Ouais. Oui. Comment on dit, botulien ou? Oui, botulien ou botulien, ouais, botulien. Voilà, c'est une question botulienne. Botulien, botulienne. ma définition du bonheur, c'est ce qui s'attrape. Voilà. Donc, voilà, on n'en dira pas plus, hein, parce que. Troisième et dernière question. Oh là là, qu'aimeriez-vous retrouver du temps passé? Des amis. Voilà, des amis qui ne sont plus. Et c'est tout, quoi. Tout simplement. Mais c'est parfait, Frédéric Pagès. Allez, vous allez nous faire le générique de fin. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine à 6h du matin, et quand vous voulez, avec l'écoute en ligne et le podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, préparée avec Pascaline Bonnet. Prise de son Alexandre Dang, réalisation Thomas Duterre. Merci Frédéric Pagès, on se retrouve demain suite de notre série consacrée à Astérix dans le chaudron de l'identité nationale avec Nicolas Rouyer. Bonne matinée sur France Culture.